Je restais le même, vous êtes toujours au fond de mon cœur. Je restais le même, papa et maman je vous aime. Je restais le même, mes amis et mes frères et sœurs. Je restais le même, j'suis le même, j'suis le même. Je restais le même, même si que j'm'envole avec mes ailes. Je restais le même, j'suis musulman donc j'fais la prière. Je restais le même, j'suis ma route pour mes ancêtres. Je restais le même, j'suis le même, j'suis le même. Je restais le même, je suis toujours là. Number one comme tous les ans. Les PD se trouvent en bas, le boss sont toujours présents. Comme rien jusqu'à la mort, dans nos cœurs un échange. Ne crois pas qu'on plaisante, la musique est ma seule. N'oublie pas d'où je viens, car se touche le même. Personne pour nous renverser, car on plus que peur. Padel, je t'oublie pas, Padel, je t'oublie pas. C'est toujours le même, pour valer plus que toi. Je restais le même, vous serez toujours au fond de mon cœur. Je restais le même, papa et maman je vous aime. Je restais le même, mes amis et mes frères et sœurs. Je restais le même, j'suis le même, j'suis le même. Je restais le même, même si que j'm'envole avec mes ailes. Je restais le même, j'suis musulman donc j'fais la prière. Je restais le même, j'suis ma route pour mes ancêtres. Je restais le même, j'suis le même, j'suis le même. Je restais le même, si j'suis dans ce game, mais je reste toujours Imekwan. À la base, vous êtes dans mon cœur et vous serez toujours number one. Je m'adresse à vous, mes fans, ma famille et ceux qui me suivent. Quoi, le président dit pas mon nom, vous me connaissez tous, ma c'est quoi. Je vis en haut, tout en haut, je veux toucher le sommet. T'inquiète pas pour moi, passe mal, mic et c'est parfait. 2013, je pose mon flow et vous me direz si c'est vrai. Pas besoin de me le dire car je sais déjà que je suis parfait. J'suis maman, parfait. Maman, Yana, Ono, Mahar, Lalika. J'y connais pas mon seul plat, c'est triste. Oh, young business. Salam, salam, ici, ça va. 97615. Ono, Mahar, Lalika, Aperich, Tiana, Ringa. Si ce n'est que ma tailleur, les bitches le peur. Papa, maman, c'est moi. Et pourtant, je reste le même. Je reste le même. Je resterai le même, vous serez toujours au fond de mon cœur. Je resterai le même, papa et maman je vous aime. Je resterai le même, mes amis et mes frères et sœurs. Je resterai le même, j'suis le même, j'suis le même. Je resterai le même, même si que j'm'envole avec mes ailes. Je resterai le même, j'suis musulman donc j'fais la prière. Je resterai le même, j'suis ma route pour mes ancêtres. Je resterai le même, j'suis le même, j'suis le même. Je resterai le même, j'suis le même. Je resterai le même. Je resterai le même. Je resterai le même. Je resterai le même. Si ce n'est que ma tailleur, les bitches le peur. Papa, maman, c'est moi. Et pourtant, je reste le même. Je reste le même. Je resterai le même, vous serez toujours au fond de mon cœur. Je resterai le même, papa et maman je vous aime. Je resterai le même, mes amis et mes frères et sœurs. Je resterai le même, j'suis le même, j'suis le même. Je resterai le même, même si que j'm'envole avec mes ailes. Je resterai le même, j'suis musulman donc j'fais la prière. Je resterai le même, j'suis ma route pour mes ancêtres. Je resterai le même, j'suis le même, j'suis le même. Je resterai le même, j'suis le même. Je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même, je resterai le même.